C'est parti. Bonsoir, bonsoir à tous. Bienvenue dans une nouvelle édition du Café des Sciences. Alors, je sais, on vous a manqué, ça faisait longtemps. On a quand même repris dernièrement, pour ceux qui ont suivi nos actualités, dans le cadre des mardis de l'espace, ben, ce mardi, il y a deux jours, à Oléatéa. Dans cette intervention, on parlait bien sûr de biodiversité au CSG et on mentionnait les savanes de Guyane, justement, parce que les patterns du Centre spatial du Guyanais sont sur des zones de savane. Il faut savoir qu'on a au Guyane cette image de l'enfer vert, de la forêt partout, à perte de vue. Et en Guyane, on a aussi des zones de savane. La Guyane a recouvert à 94% de forêt, mais seulement à 0,4% de zones de savane. Et pourtant, ces zones de savane recèlent de beaucoup de vie, d'une biodiversité importante. Et ce sont des zones qu'il est important de préserver. Et c'est le cadre de l'intervention de ce soir où on va accueillir Alizia Ricardou, qui est responsable de projet OGEPOG, le groupement d'études et de protection des oiseaux de Guyane, et Marianne Palis, qui est anthropologue à l'Université de Guyane. Donc on applaudit très fort nos intervenantes. Donc je vous invite à venir sur scène pour venir présenter. Bonsoir, bonsoir. Bon, je préviens tout de suite, je ne suis pas hyper à l'aise sur les présentations de ce type-là. Mais voilà, ce soir, j'avais à cœur de vous présenter avec Marianne Palis et en partenariat avec la CNP des sciences des travaux que le GEPOG mène depuis plus de 10 ans, quasiment 10 ans sur les savanes, donc depuis 2010. Et de vous faire part un peu de ces travaux qui allient nature et culture. Donc ma présentation de ce soir va s'articuler en trois parties. Une première partie qui va vous poser un peu le contexte, pourquoi on s'est intéressé un jour aux savanes en Guyane. Une deuxième partie qui va vous présenter un peu les travaux du Life Cap Dome, qui a été un projet européen qui a été mené de 2010 à 2015. Et ensuite, les perspectives avec un nouveau projet européen qui a débuté en 2018 et qui se terminera en 2023. Alors, au niveau contexte, donc en Guyane, comme l'a introduit Tommy, on a la quasi-totalité de la superficie qui est recouverte par des forêts, mais on a 0,3% de notre territoire qui est recouvert par des savanes. Et ces savanes se répartissent principalement le long du littoral et principalement le long d'une de la nationale de la RN1. Et ces savanes, et ben, même si elles sont donc de petite taille, et elles subissent ce qu'on appelle des pressions anthropiques dans notre jargon, en gros c'est qu'elles sont sur des territoires qui sont plutôt habités. Et donc, quelque part, ces milieux un peu grands, ouverts, avec une végétation basse, ben, ils sont bien appréciés pour pouvoir s'installer, construire, y implanter des zones agricoles. Et donc, pendant pas mal d'années, ces savanes ont été considérées comme prioritaires pour un certain nombre d'activités. Parallèlement, sur ces savanes, il y a une autre pression qu'on a remarquée, qui est l'introduction d'espèces exotiques envahissantes, dont je vous parlerai un peu plus tard. Et malgré tout, ce qu'on s'est rendu compte en 2010, c'est qu'on avait ce constat de ces 0,3% du territoire, on savait qu'il y avait des pressions anthropiques, par contre, on avait en fait très peu de connaissances sur la biologie et l'écologie de ces milieux, donc on ne savait pas trop finalement ce qu'on pouvait en trouver, voilà. Donc l'idée, le GEPOG à un moment donné s'est dit, oulala, il y a des pressions, il y a beaucoup de projets sur ces savanes et on ne sait pas trop ce qu'on y trouve en termes de biodiversité. Ce serait bien d'aller jeter un coup d'œil sur ça. Parallèlement, donc, je vous ai parlé des espèces exotiques envahissantes. Donc une espèce exotique envahissante, ce qu'on appelle une espèce exotique envahissante, c'est une espèce qui vient de l'extérieur, qu'on dit non locale ou non indigène, qui a été introduit par l'homme. Et qui va s'implanter et ensuite se propager dans les écosystèmes. et sa propagation va potentiellement entraîner en fait des conséquences écologiques, économiques ou sanitaires qui peuvent être négatives sur les écosystèmes, les habitats et les espèces locales. Donc en fait, pour qu'une espèce qui vient de l'extérieur, qui a été introduite dans un milieu, devienne invasive, il y a tout un tas de barrières à passer, c'est-à-dire qu'une espèce qui est introduite n'est pas forcément invasive tout de suite. Elle peut être naturalisée pendant 10, 15, 30, 20, 50 ans, et puis tout d'un coup, les conditions écologiques du milieu va leur permettre en fait de se développer davantage, et du coup, à ce moment-là, elles deviennent envahissantes. Et en fait, la question des espèces exotiques envahissantes, elle est très récente en Guyane, contrairement à d'autres territoires d'outre-mer comme les, qui sont plutôt des îles, parce que justement, on a une grande forêt luxuriante qui est plutôt un écosystème très virulent, et en plus, on est dans une région continentale. Donc, en Guyane, jusqu'en 2010 à peu près, on disait bon, la question des espèces exotiques envahissantes, ça ne concerne pas vraiment. Sauf que les petites études qui ont été menées par plusieurs botanistes ont commencé à mettre en évidence en 2007, puis en 2012, puis en 2013, puis en 2016, l'augmentation progressive des espèces exotiques qui sont sur le territoire. Et en 2013, on a eu le premier inventaire des espèces exotiques envahissantes sur le territoire, qui en a dénombré une vingtaine, dont deux espèces qui sont problématiques pour les savanes, qui sont les acacias, dont l'acacia mangium, que vous pouvez retrouver partout sur le territoire, et les mélaleucas, donc les miaouis. Donc, à partir de ce contexte, en fait, voilà, on n'a pas assez de connaissances, on n'a pas assez de recul, du coup, on n'a pas d'argument en faveur de la préservation de ces milieux, pourtant on sait qu'il y a quand même un enjeu. Donc le GEPOG en 2010 lance un projet sur 2010 à 2015 qui avait plusieurs objectifs. Le premier, c'était donc d'améliorer les connaissances écologiques et vous allez voir les connaissances aussi sociales sur les savanes. Donc il y a eu tout un travail qui a été fait avec des relevés botaniques, des relevés pédologiques, des relevés ornithologiques sur 90 points d'échantillonnage répartis sur les savanes du centre littoral de la Guyane. Et parallèlement à ça, parce qu'on s'est rendu compte en commençant le travail de terrain qu'il y avait aussi tout un tas d'usages, en fait, tout un tas de pratiques autour des savanes, c'est à ce moment-là qu'on s'est dit qu'il fallait absolument intégrer une composante anthropologique et je laisserai Marianne détailler cette partie-là du projet. Parallèlement, donc le deuxième objectif, en dehors de la partie amélioration des connaissances, c'était donc de commencer à réfléchir à des techniques de gestion et notamment de gestion autour de pratiques qui étaient faites sur les savanes et notamment la question du brûlis. Parce que le brûlis, en fait, c'est une pratique qui est courante et on se questionnait concrètement, on n'avait aucune idée de est-ce que cette pratique avait un impact ou pas sur la biodiversité des savanes. C'était vraiment une question auquel on avait à cœur de tenter de répondre. Et le deuxième aspect, c'était justement cette question des espèces exotiques envahissantes, et notamment de l'acacia mangium, qui est un acacia qui pose un gros problème aujourd'hui pour les savanes de Guyane, puisqu'il y a de nombreuses savanes qui ont été entièrement envahies, et qui ont du coup disparu, puisque une savane, une fois qu'elle est transformée, elle ne peut plus revenir savane. On ne peut pas faire de restauration de savane. Donc il nous fallait tester en fait des méthodes de lutte pour cette espèce. Et donc il y avait ensuite un troisième objectif qui était un peu la valorisation, c'est-à-dire qu'on parle beaucoup de la forêt, on a beaucoup de sentiers et de manières de découvrir la forêt, et les savanes, ben, c'est un peu le laisser pour compte en Guyane. Et donc l'idée, ça a été de travailler à quelque chose qui permettrait de valoriser les savanes. Et donc pour ça, il y a eu plusieurs ateliers participatifs qui ont eu lieu à Sinnamary et Rakubo avec des partenaires, mais aussi des habitants. Et de là est né, je ne sais pas si vous connaissez, le dispositif Chemin des savanes, qui est un dispositif qui est sur Sinamari, qui est un chemin qu'on parcourt avec une appli, en fait. Il y a une appli que vous pouvez télécharger, et ensuite vous avez des points, et vous avez tout un beau travail sur justement les liens nature, culture, l'histoire de Sinamari, etc. Donc en termes de résultats, c'était très intéressant, c'était un peu les premiers travaux sur la biologie, l'écologie des savanes. Donc ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'en fait il n'y avait pas une savane, mais il y avait des savanes, que c'était des écosystèmes qui étaient très riches. On a eu la surprise de découvrir qu'il y avait 16% de la flore de la Guyane qui se retrouvait dans les savanes, donc c'est énorme, qu'il y avait 40% d'espèces végétales qui étaient rares dans chaque savane, et que en fait c'était des milieux en mosaïque, et donc c'était très compliqué de dire si je suis dans une savane de quel type, parce qu'en fait je fais à peine 100 mètres, je marche à peine 100 mètres dans une savane que je peux retrouver jusqu'à 6 habitats différents. Donc la caractérisation des savanes, c'est très compliqué, et en fait de plus en plus en fait les botanistes actuels sont en train de se dire qu'on ne peut pas faire vraiment une typologie très détaillée des savanes, et qu'il faut revenir sur quelque chose de plus global, une description un peu plus globale des savanes. Il y a encore beaucoup de travaux en cours sur ces questions de typologie, on n'y est pas encore, on n'a pas. Les scientifiques qui travaillent là-dessus ne sont pas encore tout à fait d'accord entre eux. Donc parallèlement, il y a la partie études anthropo que Marianne va vous parler, donc je passe. Et ensuite, donc, on rentre dans les aspects gestion avec notamment le feu. Donc la question, c'était est-ce que le feu avait un impact ou pas sur la biodiversité. Donc il y a eu plusieurs études qui ont été menées sur le feu. Il y a eu d'abord des études vraiment très concrètes sur le site de Sinamari, la maison de la nature de Sinamari, où il y a eu 3 parcelles qui ont été positionnées dans une ancienne savane qui n'avait pas brûlé depuis des années. Et l'idée, ça avait été de faire vraiment des tests sur si je passe le feu une fois, deux fois par saison sèche, quel est l'impact sur la flore, sur la structure de la végétation, etc., sur la composition forestière. Voilà, c'est bien sûr des actions qui sont menées en partenariat avec le SDIS, bon, c'est des choses qui sont très cadrées. Hein. Ensuite, il y a eu un travail qui a été mené de comparaison en fait, de la diversité floristique entre des savanes qui ne sont jamais brûlées, ou qui, en tout cas, qui n'ont pas été brûlées depuis très très longtemps, et des savanes qui sont régulièrement brûlées, notamment les savanes qui ne sont pas brûlées sont celles qui sont plutôt incluses. Il y en a dans la réserve Trésor. Voilà, c'est des savanes qui sont vraiment incluses dans la forêt, qui ne sont pas forcément le long de la nationale. Et les savanes brûlées, c'est celles qu'on retrouve plutôt le long de la nationale. Et ensuite, il y avait un troisième volet qui était plutôt dans l'idée de créer un observatoire des savanes, de travailler sur la faisabilité de détecter les feux par image satellite. Et donc, juste pour conclure sur les feux, ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'une savane qui n'avait pas du tout brûlé, depuis très très longtemps en tout cas, qui n'avait aucune trace d'action brûlis, avait une composition, alors avait des espèces qui étaient très caractéristiques qu'on ne retrouvait pas dans les savanes brûlées, donc il y a vraiment une différence. Maintenant, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que les savanes le long du littoral sont quand même brûlées globalement depuis très très longtemps. C'est une pratique qui est installée depuis très longtemps. Et du coup, l'arrêt en fait, du passage du feu entraîne à terme un refermement des savanes, parce que les savanes, ce sont des milieux qui sont extrêmement peu dynamiques. C'est pour ça qu'ils sont difficilement restaurables. Quand une savane a été perturbée, on ne peut plus revenir en savane. Quand vous marchez dans une savane, par exemple, vous revenez un an après, vous pouvez remarcher sur vos pas, vous voyez encore votre chemin. Donc voilà, du coup le brûlis, ben, finalement, il a son intérêt. Les espèces qui sont dans les savanes, sont brûlées régulièrement, sont adaptées au feu. Il n'y a pas d'impact parce que c'est une pratique qui est très, très ancienne. Ensuite, sur la partie de l'acacia mangium, sur le travail sur l'acacia mangium, l'acacia mangium, c'est une espèce qui a été introduite pour la restauration des sites miniers. Donc, c'est une espèce qui ne pose absolument pas de problème en forêt. C'est une espèce qui, en fait, va apporter de l'azote dans le sol. Et donc, les sites miniers sont tellement lessivés que, du coup, c'est une espèce qui est intéressante pour ramener un peu d'azote dans le sol et, du coup, relancer la dynamique de végétalisation des sites. Et en fait, le problème, c'est que quand elle sort de la forêt et qu'elle va dans les savanes, bah là, elle se développe très très rapidement. Et sa principale difficulté, c'est que les graines vont tomber au pied et vont avoir une dormance de 50 ans dans le sol. Donc, même si vous avez de la forêt à un endroit, il suffit qu'il y ait un acacia mangium pas très loin, il suffit qu'il y ait de la graine dedans, vous coupez la forêt, vous avez une forêt d'acacia mangium qui pousse à la place. Du coup, on a fait plusieurs tests. On a eu des tests sur arbre adulte où on a tronçonné un rat, allé, traité ou pas, en fonction des situations. Et ensuite, on a travaillé sur la banque de graines, parce que le problème, c'est bien la banque de graines. Une fois que l'arbre adulte a été enlevé, c'est comment on gère cette repousse qui va avoir lieu juste après. Une fois que les méthodes ont été choisies et retenues, on les a ensuite répliquées sur plusieurs sites en Guyane pour voir si les conditions météo, le type de sol, tout ça, pouvaient impacter sur les techniques retenues. Donc pour ça, on a fait venir une experte brésilienne hein, qui travaille sur l'éradication de l'acacia au Brésil. Et on a de la chance en Guyane, on n'a pas besoin d'utiliser de produits pour l'exterminer. Ce qui n'est pas le cas a priori au Brésil. Et donc l'acacia est très simple à éliminer, il suffit de le couper à ras, il ne repousse pas. Et après par contre, il faut gérer la banque de graines et arracher les plantules. Donc voilà, après pour la valorisation, donc, comme je vous l'ai dit, on a travaillé sur le prototype un peu de valorisation avec le chemin des savanes, dont l'idée c'est vraiment vous installer. Et ensuite, vous regardez à travers le cadre et puis vous écoutez l'histoire qui est associée en fait à ce que vous voyez. Parallèlement, on a créé, et ça vous pouvez avoir plein d'infos dessus, un site internet qui s'appelle savane.fr où on actualise régulièrement les nouvelles sur les savanes en Guyane de façon générale. On a fait donc pour l'ensemble des résultats de ce projet-là, j'en ai emmené un exemplaire là, on a fait un guide de gestion des savanes qui reprend l'entièreté des résultats que vous pouvez retrouver et télécharger sur le site internet, donc n'hésitez pas à aller voir. Et cette année, ma collègue Anna qui était sur ce projet, et notamment Marianne, cette année, un article scientifique sur ce beau travail a été publié. Donc à l'issue du Life Cap Dome, on savait que les savanes étaient rares, maintenant on sait que les savanes sont riches en biodiversité, on sait qu'en plus elles sont associées à un patrimoine historique et culturel qui est assez impressionnant et intéressant, et qu'elles sont menacées. On sait aussi qu'elles sont menacées par deux espèces qui posent vraiment problème, l'acacia et le niaouli. On a des méthodes testées sur l'acacia, on a commencé à avoir un premier travail avec notamment ce qu'a fait Marianne sur les usages de l'acacia. Par contre, on se pose beaucoup de questions parce que sur cette question des espèces exotiques envahissantes, il nous manque quelque chose de très important qui est une stratégie, c'est-à-dire que maintenant qu'on sait qu'est-ce qu'on fait et comment on fait et où on va. Donc un peu c'est l'idée de la fin du Cap d'Homme en 2015, se dire bon bah là il faut vraiment rédiger des stratégies pour l'acacia pour vraiment lutter activement et tester des méthodes de lutte sur le niaouli parce qu'on n'en a pas, on ne connaît pas, on ne sait pas comment faire. Et continuer à communiquer, à sensibiliser autour de cette question des savanes et surtout cette question de la biodiversité des savanes. Et c'est là que vient le live de Divob. Qui a pour objectif de répondre à ces questions. Donc le Lab de Divom, c'est un programme qui a commencé en 2018, qui se terminera en 2023, qui est piloté au niveau national par la LPO, qui est piloté au niveau de la Guyane par le GEPOG, et c'est un programme interdom, donc on est avec la Martinique, Mayotte, la Réunion et Saint-Martin, sur des projets un peu différents. En Guyane, on a deux volets. Vous avez là, en fait, l'exposition associée à ce projet. Donc en Guyane, on a deux volets. On a le volet sur les savanes, et on a le volet sur le mérou géant. Et là, je mets une vidéo. Je vous présente une petite vidéo qui présente le projet. Ceci est une savane. Elle se trouve minuscule, entourée du plus gros bloc forestier tropical au monde, en Guyane française. Nous sommes en Amérique du Sud. Sorti des rangs et domine le milieu ouvert de notre territoire. envahisseur, importé lui aussi d'Australie, vient assombrir les espaces ouverts. Le niaouli. Proche parent des eucalyptus, le niaouli est résistant au feu et peut produire jusqu'à 20 millions de minuscules graines par an qui vont flotter sur les eaux et envahir ainsi les bords de criques comme les savanes humides. L'association guyanaise de protection de la nature a été active dans la protection des savanes depuis 2010. En 2018, avec l'aide de la LPO et de partenaires locaux, l'association se lance dans un programme européen de 5 ans afin d'étudier les acacias et les niaoulis, de contrôler l'invasion de ces plantes exotiques et ainsi contribuer à la conservation des dernières savanes naturelles du littoral. Les savanes sont le refuge d'un bon nombre d'espèces de plantes et d'animaux que l'on ne retrouve nulle part ailleurs en Guyane, et dont certains sont rares, voire même en danger. La Guyane a beau être encore un vaste paradis de nature, même ici les actions de l'homme influencent les écosystèmes. Des efforts particuliers et du travail seront nécessaires pour permettre le maintien dans le temps de ces paysages uniques et de leur biodiversité. Soit participatif et collaboratif. Donc il y a eu tout un travail sur la lutte active. Donc là, la prochaine étape, les prochaines années qui vont venir, on va être dans l'animation de cette stratégie. Ça va être en fait de définir en fonction des zones qui va où et quand, qui va intervenir, à quel endroit, quelles sont les zones qui sont prioritaires en termes d'intervention, celles qui sont les moins envahies, celles qui sont à proximité des savanes, etc. Quelles sont les zones qui sont un peu sacrifiées parce que l'envahissement est tellement important qu'on ne peut plus intervenir sauf si c'est à des coûts convenables. Donc voilà, on va vraiment rentrer dans cette phase active. Il y a un autre travail qui est mené en parallèle parce que comme vous allez le voir en fait, ou peut-être qu'elle va en parler un peu à Marianne, mais les acacias mangium, ils ont des usages et il y a des gens qui les utilisent. Pour plein de raisons différentes, soit pour faire du BRF, soit pour planter pour les bovins, pour faire l'ombrage, pour faire des haies, donc on s'est aperçu qu'on allait avoir des difficultés à intervenir sur certaines zones si on ne proposait pas en fait des espèces locales de remplacement. Donc il y a un travail qui a été mené avec des interviews pour comprendre les usages qui sont faits de l'acacia mangium. Ça a permis de sortir une liste de 10 espèces qui permettent de répondre à ces usages. Et là, on a lancé en fait une sous-traitance avec un pépiniériste qui va produire ces essences pour ensuite proposer des essences locales de remplacement aux différents usages. Et parallèlement, donc, il y a la stratégie de gestion qui est rédigée pour le niaouli et qui a en fait pour objectif principal de tester des méthodes de lutte. Donc il y a déjà un premier travail qui a été fait avec, on a fait venir deux experts américains qui rencontrent un problème d'envahissement par le Niaouli dans les Everglades en Floride. Et donc, ils sont venus et nous ont proposé des protocoles de tests à mettre en place ici pour voir quelles sont les techniques qui marchent en Guyane. Et donc, on a mis en place ces tests qui sont équivalents à ce qui a été fait sur l'acacia, hein, en gros. Et là, on est vraiment en phase de suivi, c'est-à-dire on va voir un peu qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui ne fonctionne pas. Et de la même manière qu'on a fait pour l'acacia, l'idée c'est qu'ensuite, une fois que la méthode a été retenue, on la réplique dans d'autres zones pour voir, voilà, pour valider en fait une technique de lutte. Et bien sûr, parallèlement, il y a plein d'actions de communication, de sensibilisation qui sont menées. Et voilà. Je vous remercie. Donc on va opérer un petit changement d'intervenant. Donc on va faire juste un petit réglage en attendant. Bonsoir à tous. Alors, déjà, je remercie d'une part le GFOG et d'autre part la Canopée des sciences de me permettre de présenter de nouveau ces recherches, qui commencent à être un tout petit peu anciennes, hein, parce que ce que je vais vous présenter, c'est des terrains qui ont été faits en 2012-2013, donc dans le cadre des projets présentés par Alizé. Alors, comme Alizé a déjà raconté beaucoup de choses, il y a certaines de mes diapos sur lesquelles je vais passer très vite, parce qu'elle en a déjà parlé, et je vais essayer de me concentrer sur les aspects anthropologiques et humains, hein, puisque bah, moi c'est ça mon boulot, je suis anthropologue à l'université de Guyane. Alors du coup je reviens pas là-dessus, ça vous a été très bien présenté dans le film, donc c'est en Guyane des milieux rares, c'est savane, et par contre ils sont menacés aussi parce qu'ils sont très facilement accessibles. Et j'y reviendrai, ils sont très facilement accessibles parce qu'ils sont le long de la route. Et Alizé me disait qu'on parlera peut-être, il y a la question quand même de l'origine de ces savanes. Hein, on se demande toujours, est-ce que la savane c'est un milieu naturel ou est-ce que quelque part c'est un milieu qui a été provoqué par l'homme. C'est vrai que leur situation en Guyane donne quand même l'impression que, bon, alors il y a des savanes incluses dans les forêts, hein, dont on sait qu'il n'y a quasiment aucune personne qui passe dessus, donc elles sont naturelles, entre guillemets, je mets des guillemets à ce que je dis. Mais il y a aussi ces savanes en bord de route dont on voit bien que quand elles ne sont plus brûlées, elles se referment. Donc il semble quand même qu'il y ait eu un entretien d'une manière ou d'une autre anthropique des savanes. Donc voilà, donc ça pose des questions sur ces milieux qui sont entre nature et culture. Comme on en a déjà parlé à propos des buttes amérindiennes, on voit que ces buttes sont aujourd'hui entretenues par les fourmis. Donc à la fois érigées par l'homme, entretenues par les fourmis aujourd'hui, on est vraiment dans des paysages culturels et on ne sait pas là si on... Voilà, si on ne peut pas vraiment parler, pour le coup, d'un milieu naturel, hein, on est entre les deux. Alors, juste, je reviens rapidement sur le contexte de la recherche. Comme Alizé vous l'a bien expliqué, ben, c'est vrai qu'au départ, ce n'était pas forcément prévu, hein, cette histoire de recherche en sciences humaines. On a donc le GEPOC qui est embarqué dans un programme LIFE, qui s'intéresse à ces savanes qui sont des milieux vraiment importants pour les oiseaux, et... en commençant des études, qui fait des relevés pédologiques, ornithologiques, selon, on va dire, leurs bonnes habitudes, enfin, des choses qu'ils savent bien faire. Et à un moment, qui se dit, mais en fait, il y a des tas de gens qui font des choses sur ces savanes. Il y a des gens qui passent, il y a des gens qui chassent, il y a des gens qui brûlent, il y a de l'élevage. Et en gros, on ne comprend pas tout. Nous, ça nous paraît parfois des pratiques nuisibles, des pratiques qui risquent de détruire les savanes. On voudrait comprendre pourquoi les gens font ça et comment ils le font. Donc, ben, en effet, en 2012, le GEPOG est quelque part venu me chercher en me disant, ben voilà, on cherche quelqu'un, et d'autres anthropologues qui avaient décliné l'offre, en me disant, on cherche quelqu'un pour travailler sur les pratiques humaines sur ces savanes. Donc, voilà, ça m'a intéressée, et je me suis lancée, entre guillemets, dans cette histoire. Juste pour vous présenter un tout petit peu la méthode, hein, j'ai mené à l'époque une trentaine d'entretiens. Et en gros, ces 30 entretiens étaient avec 4 grandes catégories d'acteurs. Alors, je me suis spécialement intéressée, on reviendra peut-être sur le pourquoi de ce choix. Voilà, le masque, j'ai un peu de mal. On reviendra peut-être sur le pourquoi de ce choix, mais je me suis intéressée aux samans spécialement de Sinamari et d'Irakubo. Hein, donc déjà, c'est ce pays qui est beaucoup identifié en Guyane comme le pays des savanes. Hein, c'est le nom de la communauté des communes et qui va jusqu'à Kourou. C'était aussi un endroit intéressant parce que, on va dire en termes de diversité culturelle, il y avait plusieurs acteurs qui étaient présents sur ces savanes de Sinamari et d'Irakubo. Alors, j'ai rencontré des Amérindiens, Kalinia, des villages de d'Irakubo et en particulier du village de Bellevue, savane Yanou. J'ai rencontré des créoles, témoins des usages traditionnels à Sinamari et à Irakubo. Des agriculteurs porteurs de nouvelles pratiques d'élevage. Hein, là aussi, Alizé a parlé du fait qu'il y a des bovins de nouveau sur des anciennes savanes, mais qui sont transformées, on y reviendra. Et puis, je mets dans la catégorie environnementaliste les collègues du GEPOG et on va dire l'ensemble des acteurs de ces savanes qui interviennent par l'entrée environnement, c'est-à-dire par l'entrée préservation de l'environnement, préservation des milieux. Et là, il y a aussi un certain nombre d'acteurs. Alors, il faut souligner que ces quatre catégories-là, qui sont en bas de ma diapo, elles sont hautement perméables entre elles. C'est-à-dire que quand je dis qu'il y a des personnes créoles qui sont témoins des usages traditionnels, il y a aussi certains créoles qui se sont lancés dans l'agriculture tout à fait contemporaine et qui sont aussi des porteurs de ces nouvelles pratiques d'élevage. Il y a aussi des créoles qui sont engagés dans des associations environnementales. Donc il n'y a pas une coupure stricte entre ces différentes catégories. C'est un petit peu pour vous dire qui j'ai rencontré. Hein, et donc à l'époque j'ai mené une trentaine d'entretiens. Depuis j'en ai mené d'autres dans cette région parce que je m'y intéresse à d'autres titres, notamment sur le changement côtier, sujet qui intéresse d'autres personnes dans la salle. Juste vous présenter un peu plus en profondeur les résultats de l'enquête anthropologique. Mais évidemment, ces enquêtes ont révélé que les savanes, contrairement à ce qu'on pouvait penser, étaient le lieu de multiples pratiques. Pourquoi contrairement à ce qu'on pouvait penser? Parce que, comme on le voit bien dans le petit film, c'est des milieux qui peuvent paraître au premier abord très rebutants. Et quand vous lisez les anciens textes sur la Guyane, que ce soit, je ne sais pas, les jésuites, enfin, on va dire les différents colons issus de l'extérieur qui découvrent ce paysage, et bien souvent ils vont souligner à quel point ces savanes, mais c'est impossible quoi. En saison des pluies, il y a de l'eau partout. Le jésuite, le père de la mousse, à la fin du XVIIe siècle, il dit les Indiens disent que les chemins sont bons quand on a de l'eau jusqu'aux genoux, et parce qu'en saison des pluies, on a de l'eau jusqu'aux épaules. Et moi, je trouve qu'ils sont jamais bons, quoi, en fait. Et on a des descriptions comme ça un peu tout le temps, de dire mais qu'est-ce que c'est que ces endroits avec des marécages dégoûtants, de la boue noire, des bêtes, etc. Par ailleurs, en saison sèche, ça a été dit aussi dans le film, il y fait très chaud, c'est quasiment impraticable. Et puis ces cordons sableux, ces savanes du littoral, c'est aussi des endroits où il y a souvent pas mal de moustiques, de liens, etc. Donc, vu de l'extérieur, souvent la question c'est de dire, mais comment on peut vivre dans des milieux pareils? Comment est-ce possible? En réalité, en effet, ces milieux étaient extrêmement occupés et parcourus, on va le voir. Alors, on va parler de différentes pratiques. On va parler de culture. Alors en effet, les colons avaient tendance à penser que les sols sableux étaient forcément infertiles. Or, dans les savanes, il y a différents types de sols. Hein, on a parlé tout à l'heure du fait que c'est une mosaïque. Il y a des sols qui sont effectivement, on ne peut pas les cultiver. Ils sont très improductifs, il n'y a aucun nutriment dedans. Mais les personnes créoles et amérindiennes qui habitent ces savanes, elles les connaissent très bien. Et en fait, quand vous vous promenez avec elles, elles vous montrent, mais même à 10 mètres d'écart, elles vous disent, regarde, tel type de terre, elle est comme ça, tu ne peux pas cultiver. Mais là, regarde comment la terre, elle est. Là, tu peux cultiver. Et ils savent exactement où est-ce qu'on peut se mettre. Et que ce soit les Amérindiens ou les Créoles, les gens avaient des abatis en savane dans certaines zones, hein, et en particulier des abatis manioc, parce que le manioc appréciait pas mal l'acidité des sols. Et comme c'était une culture importante dans les cultures à la fois amérindiennes, dans les traditions amérindiennes et créoles, ces abatis savanes étaient importants. Alors, on n'avait pas que des abatis en savane, hein, on avait aussi un abatis dans les grands bois, en forêt, on avait aussi un jardin autour de son habitation, souvent avec des petites buttes où on cultivait des petites plantes potagères qui pouvaient servir au quotidien, un petit céleri pour le blaf, des petits piments, des tas de trucs comme ça, etc. Mais on avait, certains vieux créoles me disaient, on avait plusieurs systèmes culture. Pourquoi plusieurs systèmes culture? Parce que, eh bien, si vous aviez un problème sur un de vos systèmes, par exemple, votre abattis dans les bois, il y avait des animaux qui arrivaient dessus et qui l'abîmaient, etc., ben, il valait mieux ne pas mettre tous ces œufs dans le même panier. Et on y reviendra, c'était un des grands principes, on va dire, de l'habitation créole ou amérindienne, c'est pas tous les œufs dans le même panier. Et là, en l'occurrence, les gens avaient un abattis savane et ils avaient bien d'autres abattis. Et on y reviendra, ils marchaient souvent des kilomètres pour rejoindre leurs différents abattis. Les savanes, c'était aussi des lieux de chasse, de pêche et de cueillette. Alors, ce n'était pas des lieux de chasse dans le sens où on ne partait pas en expédition de chasse dans les savanes. Par contre, c'était des lieux où on voyait très bien les animaux s'ils les traversaient. Or, les savanes, elles sont souvent entourées, il y a la forêt d'un côté, puis il y a des bosquets, et de temps en temps, les animaux traversent. Et là, à ce moment-là, c'est intéressant, si on est en train de se promener et qu'on a son fusil, ça peut être un bon endroit. Donc justement, quand ils allaient à l'abattis, ben, ils mettaient leur fusil à l'épaule, on ne sait jamais, on pouvait faire une bonne rencontre. Donc c'était des lieux de chasse. Les animaux pouvaient aussi des fois être attirés par le regard d'herbe qui était provoqué par le bruit qu'on faisait pour d'autres raisons, je vous en reparlerai. En tout cas, on y chassait. On y pêchait. On y pêchait dans les petites criques et les marécages. Vous savez qu'il y a une catégorie de poissons en créole qui s'appelle les poissons savanes, hein, qui comprend les atipas, les coulants, un certain nombre de poissons comme ça qu'on trouve en savane. Et puis, à la saison des pluies, il y avait un moment particulier où l'eau montait et les poissons, en gros, ils sortaient des criques et ils étaient piégés dans les savanes. Et les anciens créoles appelaient ça poissons montés. Et il y a des récits, alors en particulier un récit de Michel Loyer quand il était instituteur à l'école de Corossoni à Sinamari, qui est extraordinaire, où il raconte que ces jours-là, les élèves, personne ne manquait la classe, tout le monde faisait les kilomètres qui séparaient de l'école avec joie, parce qu'ils emportaient tous des petits filets, des trucs, ils ramassaient les poissons, ils les amenaient à l'école, et à midi, ils faisaient une grande friture tous ensemble, ils faisaient griller leurs poissons, enfin, etc., ils préparaient pour tout le monde. Donc, il y avait ces pratiques de pêche, hein, à la fois quand les savanes étaient inondées à la saison des pluies, et puis, de manière générale, dans les marais, sous les roches, dans les criques, etc. Les pratiques de cueillette. Non, c'est une moto, c'est pas un Larsen. Les pratiques de cueillette. Alors, en particulier, il y avait certaines plantes médicinales qui étaient ramassées aux abords des savanes, mais surtout, aux abords des savanes, il y avait un certain nombre de palmiers qui poussaient. Et en particulier, dans la région de Sinamari, ça va être les komous et les awara. Vous savez que le bouillon d'awara de Sinamari est particulièrement réputé dans toute la Guyane. Donc évidemment, ces palmiers qu'on allait utiliser, mais pas seulement pour l'alimentation humaine, pour l'alimentation du bétail aussi. En particulier, Sinamari, qui était une grande région d'élevage, il y avait des bovins, il y avait aussi des porcs. Et les porcs étaient en grande partie nourris avec les graines d'awara. Il y a des anciens qui racontent que le soir, ils pouvaient casser une graine d'awara sur un rocher, et là, tous les cochons arrivaient, ils avaient bien entendu le bruit. Et que les cochons nourris à l'awara étaient particulièrement bons, évidemment. Et ces arbres, komous, awara, etc., on ne les cultivait pas. C'était des arbres de bord de savane, par contre, on les favorisait. C'est-à-dire qu'on n'allait pas couper ces pieds-là, on allait y faire un petit peu attention, etc. Donc il y avait aussi ces pratiques-là. Et puis, à ces pratiques qui étaient quelque part communes aux Amérindiens et aux Créoles, on peut ajouter donc les pratiques d'élevage dont je viens de commencer à parler, qui là étaient beaucoup plus spécifiquement créoles. Hein, c'est-à-dire que traditionnellement, les Kalinias ne pratiquaient pas l'élevage, même s'il y avait des familles un petit peu métissées, par exemple avec des parrains et des marraines créoles, qui pouvaient quand même avoir des bêtes. Hein, c'était pas complètement. Là aussi, on n'est pas dans des mondes fermés les uns sur les autres. En tout cas, les créoles pratiquaient l'élevage bovin libre. Alors, l'élevage bovin libre, c'est complètement différent de l'élevage qui est pratiqué aujourd'hui sur des savanes transformées. En gros, quand les colons sont arrivés et ont découvert ces savanes, ils les ont qualifiées de grandes pâtures naturelles. Et assez vite, ils ont amené des vaches, des bovins, qu'ils ont installés sur ces savanes. Donc dès le XVIIe siècle, la région de Sinamari et des Rakubo, c'est une grande région des savanes. Hein, et vous savez que le mot les hattes, hein, l'ancien nom de Yanimapo, on disait les hattes ou les ménageries pour parler d'un élevage bovin. Hein, donc il y avait des hattes et des ménageries partout sur le littoral. Et donc ces prairies étaient considérées par les colons comme des... Ces savanes étaient considérées par les colons comme des bonnes prairies naturelles. Et à la suite, dans la société qui s'est créolisée, ben, on a continué à les utiliser comme telles. Alors quand je dis que c'était l'élevage libre, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les gens dans les habitations, ils avaient des troupeaux, ils les marquaient au fer, hein, comme dans les westerns, et puis ils les lâchaient tous ensemble sur les savanes. Donc les troupeaux se mélangeaient, et les bêtes allaient où elles voulaient. Ça veut dire qu'en fonction des saisons, si c'était très chaud, elles pouvaient descendre dans les prairies pour trouver de la nourriture, si au contraire c'était inondé, elles allaient remonter, ou aller dans les bordures des bois, etc., elles allaient où ils voulaient. Et le soir, les gens racontent qu'ils faisaient du feu près de leur habitation, et ça faisait de la fumée, et les bêtes, naturellement, venaient se mettre dans la fumée pour éviter les moustiques. Donc, il y avait aussi cette grande pratique d'élevage bovin libre. Les gens ne consommaient pas forcément tant de bovins que ça, mais ça leur faisait un complément de revenu très intéressant. S'ils avaient besoin d'argent à un moment, ils allaient mettre un bovin ou des bovins dans un bateau qui partait à Cayenne, ou bien ils allaient suivre les sentiers qui suivaient le littoral, et à chaque fleuve, il fallait attacher les bêtes derrière le bac, et les bêtes nageaient derrière le bac pour traverser et continuer le chemin de l'autre côté, et ils allaient les vendre à Cayenne, et ils récupéraient comme ça un peu d'argent. Comme ils étaient quasiment autosuffisants pour la nourriture, l'argent, ça servait à acheter les vêtements, les bougies, le savon, des petites choses comme ça. Alors voilà, et tout ça, ça allait avec la petite habitation. Alors je vous parle un petit peu de la petite habitation. Je vous ai mis deux photos que j'aime bien, hein. Il y en a une, attendez, je trouve le bon bouton. Voilà, là c'est Briganda, c'est une habitation créole un peu chic, hein, parce qu'il y a déjà un étage, hein, voilà. Et, oh pardon, et là c'est une habitation amérindienne à Bellevue, hein, ça va ni à nous, on voit un petit carré traditionnel. Et cette petite habitation, on peut la qualifier de complexe activité, hein, c'est-à-dire qu'une de ses principales caractéristiques, c'est la pluriactivité. Et justement, c'est ce que je viens de vous décrire, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas une activité qui prenait le dessus sur les autres. On passait du temps à la chasse, du temps à la pêche, du temps à la cueillette, du temps pour les créoles à l'élevage, hein, puisque voilà, du temps à l'agriculture sur les abatis, et on avait un certain nombre de ressources. Et ça, c'est très important, parce que du coup, si on repose la question que je posais au milieu, que je posais au début, qui est de se dire, mais dans le fond, pourquoi les gens s'installaient dans ces milieux qui étaient tellement hostiles, ils étaient tellement chauds à la saison sèche, on était trempés de partout à la saison des pluies, il y a des yariens, il y a des moustiques, etc. Pourquoi ils se mettaient là? Eh bien, parce que les savanes, comme dans les jeux de rôle, enfin les jeux de plateau, etc., où vous devez choisir une implantation pour mettre une colonie ou quelque chose comme ça, eh bien, c'était des très bons lieux d'interface entre différentes ressources. C'est-à-dire que la petite habitation, eh bien, il fallait à la fois pouvoir accéder justement au grand bois pour chasser et y faire des abatis, il fallait pouvoir accéder aux lieux de pêche qui pouvaient être les pripris et les criques, donc il fallait être à la fois à proximité des criques. À l'époque, on vivait beaucoup en contact avec la mer. Alors il y en a dans la salle qui travaillent sur le changement côtier et qui savent bien que les régions de Sinamari et d'Irakubo jusqu'aux années 40-50, eh bien, il y avait une immense plage qui allait en gros de Kourou à Organabo. Et donc, ces petites habitations Brigandin étaient au bord de la mer. Hein, donc, Brigandin, ben, les gens sortaient en pirogue pêcher, où on pouvait aller sur la plage lancer un épervier. Donc, il y avait les ressources de la mer. Voilà. Et puis, il y avait ces fameux cordons sableux du littoral sur lesquels on pouvait faire les abatis manioc. Hein, plus, voilà. Donc, on était, dans le fond, à l'interface de tout un tas de ressources. Et donc, ces emplacements, ils étaient choisis comme ça, hein, pour pouvoir partir sur la crique en canot, partir dans les estuaires, partir par les chemins vers la grande forêt, et on était au milieu de tout. Voilà. Alors, j'arrive du coup assez vite, hein, aux pratiques d'aujourd'hui. Les questions qui m'ont été posées, ça a été aussi de travailler sur justement les pratiques qui faisaient débat. Alors, je vais vous en présenter quelques-unes. Alors, il y a ces dernières années des pratiques d'élevage en savane. Alors, cet élevage, il est pratiqué par des agriculteurs qui vont amender les sols avec de la chaux et du phosphate, qui vont planter des arbres à pâturage, on en voit là sur la photo, et qui vont clôturer. Hein, c'est très différent de l'élevage libre créole où les bêtes allaient où elles voulaient. Là, on a des animaux qui vont rester dans un espace clos et qui vont devoir se nourrir avec ce qu'il y a dans cet espace clos. Alors, on reviendra sur en quoi ça crée controverse. Alors, je vais vous présenter les différents points qui faisaient débat quand j'ai fait mon étude en 2012-2013. Alors, premier point, le brûlis des savanes. Alors, ce brûlis, il était associé justement à cette pratique d'élevage bovin créole. Il avait probablement, ça a été dit tout à l'heure, été introduit par les colons. C'est-à-dire que les archéologues qui se sont intéressés aux savanes avant la colonisation n'ont pas trouvé de traces de brûlis. Le brûlis est arrivé vraiment au moment de la colonisation, à partir du 7e siècle. Donc on suppose que ça a été introduit par les colons. Cette pratique associée à l'élevage, elle permettait en fait... à la saison sèche, vous avez toute votre savane qui devient toute sèche, et grâce au brûlis, vous allez pouvoir obtenir un regain d'herbe de tendre. Alors en fait, on ne brûlait pas la savane en entier, on brûlait d'abord un petit bout, et puis l'herbe verte commençait à repousser dessus, on mettait les bovins de ce côté, puis on allait brûler un autre petit bout. Et donc ça permettait de tenir quelque part, de redonner un petit coup de fouet à la savane, et de tenir jusqu'à la saison des pluies suivantes. Et puis, a priori, c'était aussi une pratique qui permettait de garder les savanes ouvertes. Et d'après les anciens créoles, elle permettait aussi d'assainir par rapport à tout un tas d'insectes, papillons cendres, moustiques, etc. Le brûlis permettait qu'il y en ait moins. Cette pratique, quand j'ai démarré mon étude en 2012-2013, c'était quand même une pratique plutôt mal vue, à la fois par, on va dire, les environnementalistes et par les agriculteurs. Alors là, c'est une des rares pratiques sur laquelle il y a un clivage culturel assez net. Les métropolitains n'aimaient pas le brûlis. Alors là, assez clairement, c'est-à-dire dans les entretiens, il y avait vraiment ce côté un peu répulsif du feu, de dire mais enfin, ils brûlent les animaux, ils brûlent les plantes, c'est pas bon, ils font du mal, quelque part à cet environnement. Le brûlis étant, théoriquement, on n'est pas censé pouvoir mettre le feu n'importe comment, quelqu'un qui serait pris en train de mettre le feu dans un espace qui n'est pas sa propre propriété peut avoir des problèmes avec la loi. Et donc, au moment où j'ai commencé mon enquête en 2012-2013, les créoles de Sinamarie et d'Irapuato étaient un petit peu gênés par cette histoire. Ils avaient un peu du mal à dire qu'ils brûlaient eux-mêmes, mais quand même, ils disaient, les anciens nous avaient montré de faire comme ça, et puis, quand on ne brûle pas, vous voyez ce qui se passe, ça se referme. Et ils donnaient un certain nombre d'exemples. Ça se referme sur les terrains du Centre Spatial Guyanais, ça se referme à la Maison de la Nature de Sinamari, dont Alizé a parlé tout à l'heure, parce que depuis, on y a fait des expériences de brûlis. Et donc, il y avait un sentiment très fort des habitants de voir, quelque part, leur mode de gestion et leur savoir sur les milieux un peu méprisé. C'était assez... ils avaient un peu de mal à en parler, et à la fois on sentait qu'ils étaient quand même embêtés avec ça. Et ça, c'est vrai que cette étude sur les savanes, elle a aussi ça d'intéressant, c'est que je pense que c'est un bon exemple d'interdisciplinarité, et quelque part c'est à la suite de cette étude anthropologique qu'il y a eu aussi une évolution, et notamment le GEPOG avec d'autres, la CEPANGUI, le conservatoire du littoral, etc., ont décidé de mener les tests de brûlis dont Alizé nous a parlé tout à l'heure et qui ont été menés sur le territoire de la Maison de la Nature de Sinamarie. Et qui se poursuivent. Parce que c'est vrai que par exemple, cette petite savane de la Maison de la Nature, c'est un terrain qui avait été acheté par le conservatoire du littoral dans les années 90. 20 ans plus tard, clairement, la savane n'était plus une savane. Il y avait des buissons qui poussaient partout, etc. Donc il y a quand même eu cette question de se dire, si on la brûlait comme elle était brûlée autrefois, qu'est-ce qui va se passer? Et donc on brûle et on fait des relevés de flore pour voir comment la flore évolue. Et là, en effet, on s'est rendu compte que le brûlis pouvait être un mode de gestion et pour garder les savanes ouvertes. Autre point de controverse, je l'ai déjà un petit peu évoqué tout à l'heure, l'évolution des pratiques en agriculture. Alors, je vous disais tout à l'heure, cette évolution des pratiques en agriculture, elle va avec le semis d'herbes à pâturage et qui ne sont pas des espèces locales, qui sont des espèces introduites pour certaines d'entre elles, en fait, dès le 19e siècle, parce que ça fait très longtemps qu'on introduit des herbes à pâturage. Mais en tout cas, on introduit un certain nombre d'espèces dans ces savanes, donc qu'on enrichit avec de la chaux et du phosphate, etc. Et donc il y a un certain nombre d'environnementalistes qui vont dire oui, mais alors là, On a un appauvrissement terrible de la biodiversité. Hein. Vous voyez des prairies faites d'un seul type d'herbe. Hein, et donc, on n'a plus toute cette flore extrêmement spécifique qu'on allait avoir auparavant. Alors, les agriculteurs, évidemment, ils se défendent par rapport à ça. Ils disent, mais non, c'est pas un appauvrissement, c'est une transformation. Alors, c'est vrai qu'au niveau flore, on n'a plus qu'une seule herbe, bon, c'est vrai. Mais par contre, au niveau faune, les animaux aiment beaucoup nos prairies. On a plein d'animaux qui viennent, des tortues, des caïmans. C'est pas du tout un appauvrissement. Il y a d'autres animaux qui viennent attirer, il y a des oiseaux qui viennent attirés par les bovins, etc. Et donc, ces agriculteurs vont revendiquer aussi le droit de transformer les milieux. Et là, on rentre aussi dans des débats aussi sur qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui en Guyane à ce sujet. C'est-à-dire que les agriculteurs vont dire, bah oui, mais nous, on produit de la viande et souvent de la viande bio. Vous savez qu'à Sinnamary, il y a la coopérative Bio Savane. Hein, donc, on a des agriculteurs bio qui disent, bah nous, on fait quand même un mode d'agriculture durable. On peut boire l'eau de nos criques, elle n'est pas polluée. Et puis, on produit de la viande qui est vendue en Guyane. C'est quand même mieux de faire comme ça plutôt que d'apporter du poulet surgelé, hein, je caricature, mais c'est un peu ça l'idée. Et donc l'idée c'est de dire, bah, est-ce qu'on veut une production locale en Guyane autant que faire se peut durable et respectueuse de l'environnement, ou est-ce qu'on veut continuer à faire venir la nourriture sur des containers, etc. Donc c'est les arguments des agriculteurs pour dire, bah oui, en effet, on fait des prairies monospécifiques, mais regardez, et là vous rentrez dans un débat très important en Guyane, qui est, regardez, en métropole, ils ont transformé tout leur environnement. Hein, ils ont, si vous survolez la métropole, il vous suffit de survoler la métropole pour le voir. Hein, il y a très peu de forêts, tout est quadrillé par des champs, etc. Et aujourd'hui, ils viennent nous dire que nous, on ne doit pas transformer notre environnement, mais il faut bien qu'on nourrisse notre population. Donc voilà, donc il y a ce débat-là, hein, où ils vont dire, voilà, on transforme, mais on reste dans du bio, on reste dans quelque part du durable, quelque chose qui peut rester, et pour produire de la nourriture. Et puis, troisième débat, dont Alizée vous a bien parlé, puisque c'est le sujet du nouveau Life Biodivum, c'est l'arrivée des espèces invasives. Hein. Donc là, vous avez une belle photo d'un acacia mangium sur une savane. Alors, là aussi, un petit quand même focus anthropologique. Je voudrais quand même rappeler, ça a été dit, mais on est sur des pas de temps hyper courts. C'est-à-dire qu'il faut quand même se dire que ces espèces invasives, là en l'occurrence l'acacia, elle a été introduite notamment par l'ONF et le CIRAD pour reboiser des sites miniers, comme l'a dit Alizée. Ce n'est pas vieux, hein, on ne parle pas d'il y a 40 ans, on parle du début des années 2000, en fait on parle d'il y a 15 ans. Donc, moi ça m'incite un petit peu à dire, bon, allons-y doucement quand même, parce que ce qu'on pense aujourd'hui, ce n'est pas forcément ce qu'on va penser dans 15 ans. Hein, voilà. Donc les choses sont très très vite. Et là, en l'occurrence, il y a 15 ans, on ne voyait pas tellement de problème dans le fait d'introduire ces espèces qui allaient permettre de reboiser des sites miniers. En effet, on n'avait pas trop compris que dans d'autres sites que la forêt, elles pouvaient poser problème. Alors, je ne reviens pas hein, sur ce qu'a dit Alizée, si ce n'est pour dire que ça complexifie la question du brûlis, parce que le brûlis favorise l'éclosion des graines d'acacia. Donc du coup, cette méthode de gestion traditionnelle créole, et bien du coup, elle n'est pas appropriée si vous êtes dans un endroit où il y a plein de graines d'acacia, parce qu'au lieu de permettre de maintenir le paysage ouvert, vous allez déclencher la germination de toutes les graines d'acacia. Donc ça pose un nouveau souci. Voilà. Et puis, je remarque aussi, là c'est la petite remarque anthropologique, c'est une espèce exotique, et c'est assez intéressant de voir comment là, pour le coup, elle réunit tous les acteurs contre elle. Hein, c'est-à-dire que on est parti pour chercher à la détruire, hein, donc on réfléchit aux méthodes, la nage, etc. On a même envisagé les pesticides, mais finalement on n'en a pas besoin en Guyane, bon, voilà. Mais c'est assez étonnant, c'est-à-dire de se dire, ben voilà, justement, sur un pas de temps très court, il y a 15 ans on l'introduisait, et maintenant on cherche à la détruire. Hein, voilà, ça, bon, alors après il y a des gros débats entre chercheurs en sciences humaines et chercheurs en sciences de la vie, sur les espèces invasives, ça commence où, ça s'arrête où, quel est le danger des espèces invasives, etc. Dernier débat que je veux vous présenter, parce qu'il est sous-jacent à tous les autres et hyper important, c'est la question de la terre. En fait, c'est la question de l'appropriation du territoire. C'est-à-dire qu'en Guyane, traditionnellement, on va dire chez les populations amérindiennes, créole, bushinangué, vous n'avez pas la propriété privée telle que vous la connaissez dans le droit privé européen. Et ces territoires, ils étaient appropriés collectivement. C'est-à-dire qu'on avait des petites habitations avec des gens qui s'installaient sur une terre qui n'était pas la leur, hein, qui appartenait, on ne sait pas trop forcément à qui elle appartenait à l'époque, mais après l'État s'est approprié la plupart des terres vacantes de Guyane, hein, ce qui explique qu'aujourd'hui on a aussi 95% des terres de la Guyane qui appartiennent d'une manière ou d'une autre à l'État. Et donc on a ces populations qui s'installaient, qui se mettaient justement, qui choisissaient leur emplacement en fonction de l'interface, hein, de là où elles étaient. Les Amérindiens, ils n'avaient jamais été propriétaires. Après l'abolition de l'esclavage, les anciens esclaves, ils ne voulaient pas continuer à travailler pour des patrons comme salariés. Donc ils sont partis vers des endroits où on n'allait pas leur disputer le territoire. Donc soit ils ont remonté un peu les fleuves vers la forêt où on ne les embêtait pas, soit ils sont eux aussi justement partis sur ces cordons sableux du littoral, que les colons jugeaient improductifs, pas intéressants et plein de moustiques. Hein, donc, ils ont pu s'installer là. Mais ils n'y étaient pas propriétaires. Et ce mode de vie allait avec des formes de mobilité. C'est-à-dire que si à certains moments, il y avait moins de gibier, ou bien il y avait une grosse mangrove qui s'installait juste devant la plage qui était devant la maison, etc. Et bien, dans le fond, on n'en faisait pas tout un drame. On emballait les affaires, la maison elle était construite en bois avec des murs en golette et un toit en feuille de palmier, et on allait, on récupérait les matériaux qu'on pouvait et on allait construire une maison ailleurs. Donc les gens se déplaçaient très facilement. Évidemment, le territoire ouvert, il permettait aussi de larguer les bovins sur l'ensemble du territoire sans se poser la question, ils vont aller chez le voisin. Le territoire était géré collectivement, il était à tout le monde et tous les troupeaux étaient ensemble. Alors évidemment, le jour où il y a un élevage moderne qui se crée avec des palissades, je vous ai mis pour rigoler la petite BD, la petite case de BD de Lucky Luke, hein, vous vous retrouvez avec des barbelés sur la prairie. Qui a mis ces barbelés, etc. Et les premiers agriculteurs qui ont fait l'élevage bovin, installés notamment à l'époque du plan vert dans les années 70-80, ben, ils racontent que ça, quand ils ont mis des clôtures, évidemment, c'était un tout petit peu tendu avec les agriculteurs qui arrivent du coin. Et puis évidemment, si d'un côté de la clôture, vous avez une herbe à pâturage plantée hyper riche, et puis de l'autre côté de l'herbe de savane, les bovins, ils vont faire quoi? Ils vont défoncer la clôture pour passer de l'autre côté. Et ça s'appelle un beau conflit d'usage. Donc voilà, donc les deux systèmes peuvent difficilement cohabiter. En fait, vous ne pouvez pas avoir l'un à côté de l'autre un élevage fermé, et puis juste à côté un élevage libre, parce que l'élevage libre, il ne peut plus passer. L'élevage fermé, il attire les bovins, enfin, ça pose plein de problèmes. Voilà. Et puis cette question aussi de la terre, elle touchait aussi particulièrement les Kalinyaks et Rakubo. À l'époque où j'ai fait l'étude, en 2012-2013, il n'y avait pas de zone de droit d'usage. Hein. Alors, tout le monde voit à peu près ce que c'est qu'une zone de droit d'usage. C'est un dispositif propre à la Guyane qui permet de garantir des droits d'usage à des populations traditionnelle, tirant subsistance de la forêt, selon la terminologie de l'État. C'est-à-dire, l'idée, c'est de dire les gens qui font de la chasse, de la pêche et de la bâtie, on peut leur garantir l'accès à certaines terres. Donc, en pratique, ça veut dire qu'on ne va pas donner cette terre pour autre chose ou pas l'ouvrir à de l'agriculture, justement, selon d'autres modalités. Et en 2012-2013, pour des raisons historiques, les Kalinyaks et Rakubo n'avaient pas de zone de droit d'usage. Donc du coup, ils voyaient des agriculteurs s'implanter un peu tout autour des villages amérindiens, et ils se disaient, mais nous, où est-ce qu'on va aller? Comment on va faire pour aller pêcher? Comment on va faire pour aller chasser? Etc. Alors depuis, et là aussi je crois que l'air de rien, c'est une des suites indirectes de l'enquête, et bien du coup, il y a eu une enquête participative qui a été menée à la demande du service biodiversité de la DEAL, par le GREN Guyane, et à la suite de cette enquête participative, des demandes de zones de droit d'usage ont été déposées par les Kalinyaks de Yann ou Bellevue et par les Kalinyaks d'Orgamo, et deux zones de droit d'usage ont été créées en 2017. Donc là aussi, c'est intéressant de voir comment les choses évoluent. Voilà, et puis, j'en ai bientôt fini, hein, mais juste pour vous dire, en fait, il y a des jeux d'acteurs qui sont très intéressants pour les anthropologues à étudier, c'est-à-dire que, en fait, on voit aussi une évolution dans le temps. Hein, c'est-à-dire qu'avant l'étude, on voit clairement des objectifs différents dans les groupes que je vous ai présentés. Pour ceux qui sont d'un point de vue environnementaliste, bah, ils veulent préserver la savane pour sa biodiversité, c'est-à-dire dire, bah, nous, on veut que cette savane elle reste comme elle est, parce qu'il y a des oiseaux qui sont inféodés, on ne veut pas qu'ils disparaissent, etc. Vous avez des Amérindiens qui vont vous dire, bah, nous, on veut surtout le droit de circuler pour se livrer à nos activités de chasse et de pêche. Et pour pouvoir chasser et pêcher, il faut quand même conserver les milieux parce qu'on ne veut pas que les animaux disparaissent chassés par d'autres activités. Vous avez les créoles qui vont vous dire, bah, nous, les savanes, c'est très important dans notre culture. Hein. Nos savanes, c'est notre liberté, c'est nos abattis, etc. Et on voudrait transmettre à nos enfants ces savoirs sur la chasse, la pêche en savane. Donc ils vont avoir une vision assez patrimoniale, finalement, de ces savoirs, de ces savanes liées à leur culture. Et puis les agriculteurs, comme on disait tout à l'heure, ils vont dire, bah, nous, on veut transformer la savane pour produire et rendre la Guyane moins dépendante des importations. Donc on va avoir certaines oppositions. Hein, par exemple, au début, vous allez avoir les environnementalistes qui vont dire, mais faut pas brûler, ça va abîmer la flore et la faune. Et les créoles qui vont dire, bah, nous, on nous a appris à brûler, puis ça marche bien, on ne voit pas pourquoi on ne le ferait pas. Et puis, quand vous faites un travail comme ça, eh ben, ça montre aussi que l'anthropologue, ce n'est pas une espèce de je ne sais pas comment dire, de personnage omniscient qui regarde de l'extérieur et puis il laisse le terrain dans l'état où il l'a trouvé en entrant. En fait, ça ne se passe pas comme ça. En général, ça provoque des changements. Et là, en l'occurrence, après l'étude, ben, y a plein de choses qui ont changé. D'abord, les environnementalistes ont commencé à s'intéresser de plus en plus au patrimoine culturel des savanes. Parce qu'en fait, ils se sont rendus compte que par cette entrée-là, c'était beaucoup plus facile de protéger les savanes parce que les créoles et les amérindiens, il ne fallait pas leur dire on va protéger la biodiversité et vous interdire d'entrer dans les savanes. Par contre, si on pouvait leur dire bah, voilà, il y a des mesures à prendre pour que vous puissiez continuer à chasser et à pêcher, que le gibier reste là, que les savanes restent ouvertes, etc. Là, les gens vont dire, ah bah oui, nous on est d'accord, on veut garder ces paysages, on veut que ça reste de cette manière-là. Les créoles se mettent eux aussi à utiliser un vocabulaire de l'écologie et de la préservation des espèces en disant, bah voilà, nous on veut maintenir ces savanes ouvertes parce qu'on veut maintenir nos palmiers traditionnels, nos animaux, etc., pour pouvoir les chasser. Et finalement, il va y avoir des alliances entre eux pour s'opposer aux agriculteurs et dire, bon, les agriculteurs, à un moment, c'est bien de transformer certaines savanes, mais il ne faut pas toutes les transformer. Il faut garder des savanes traditionnelles, ouvertes, où on peut aller chasser, pêcher. Donc il y a des espèces de passages qui vont se faire. Hein, et là, ma présentation est un peu caricaturale, parce que les agriculteurs eux-mêmes reconnaissent que c'est bien de conserver certaines savanes en l'état. Simplement, ils sont plutôt en train de dire, ben voilà, on veut qu'il y ait des savanes qui puissent être ouvertes au pâturage et transformées comme elles l'ont quelque part toujours été. Et on veut qu'il y ait d'autres savanes, par contre, qui soient préservées. Voilà, donc en guise de conclusion, cette histoire de savane, elle est, moi je trouve, particulièrement intéressante parce qu'elle nous renvoie à des questions qui se posent sur de nombreux espaces naturels, entre guillemets. C'est-à-dire qu'on se rend compte aujourd'hui de plus en plus que dans les espaces qui sont peuplés depuis longtemps, les milieux qu'on a, c'est des milieux qui sont à l'interface des sociétés humaines et de ce qu'on appelait la nature. Les anthropologues, ils ont tendance à déconstruire la notion de nature. C'est-à-dire que là, en l'occurrence, quand il y a des usages anciens qui disparaissent comme le brûlis, le milieu, il change. Hein, la savane, par exemple, va se refermer. Mais c'est exactement la même chose qui se passe si vous regardez dans les Alpes. Il y avait des prairies d'alpage qui étaient défrichées depuis le Moyen-Âge. Si vous commencez à ne plus amener les bovins sur ces prairies d'alpage, elles se referment. Et donc, il y avait une biodiversité spécifique à ces prairies d'alpage. Par exemple, vous aviez des tétralyres, vous aviez des chardons tout à fait, et des orchidées tout à fait spéciales qui poussaient en ces alpages. Eh bien, si ça se referme et que c'est de la forêt, c'est pas la même chose. Ben là, on a exactement le même type de choses. C'est-à-dire que si on arrête la gestion traditionnelle, le paysage se transforme. Et du coup, se pose la question du fait qu'on n'a pas un état d'origine bien clair. C'est-à-dire de dire, la vraie savane, c'est ça. Est-ce qu'on veut revenir comme c'était il y a 50 ans? Est-ce qu'on veut revenir comme c'était avant la colonisation? Est-ce qu'on laisse la forêt reprendre ses droits? Ce qui est aussi une manière de laisser la nature faire et de se dire, ça se transforme, ça va retrouver un équilibre tout seul. Enfin, il y a un tas, on n'a pas de solution miracle. Et la solution peut venir que d'un débat politique. Hein. Il n'y a pas les scientifiques qui vont pouvoir vous dire, c'est comme ça, il faut faire comme ça. C'est intéressant aussi parce que ces savanes, elles transcendent, je vais essayer de vous montrer les frontières ethniques et culturelles. Hein, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'un côté les Amérindiens qui pensent comme ceci et de l'autre les créoles qui pensent comme cela. Et d'un troisième, les agriculteurs. En fait, il y a des choses qui sont communes. Hein, pour certains, le fait de vouloir pouvoir aller sur les savanes, les transformer, etc. Le fait d'apprécier ces paysages. Le fait aussi de voir que ces savanes, il ne faut pas forcément faire des projets trop grandioses dessus. Hein, comme on a pu à certains moments le rêver, où il y avait un projet sucrier fin des années 90, début des années 2000, du côté d'Irakubo. Et ces grands projets, hein, projet sucrier, projet de riz à Sinamari, bon, ils ont toujours échoué. Et là-dessus, les différents acteurs sont d'accord, ce n'est pas des projets grandioses qui vont fonctionner. Des positionnements qui évoluent dans le temps. Il ne faut pas penser que les gens sont figés dans leur manière de penser et que c'est comme ça, que parce qu'ils sont ceci, ils pensent comme ceci. Et puis des discours qui se complexifient justement au fur et à mesure qu'on prend en compte la position de l'autre. Voilà, et puis l'anthropologue qui est au milieu et qui contribue aussi à tout ça en faisant circuler les discours. Voilà, je m'arrête là parce que j'ai assez parlé et je pense que peut-être vous aurez des questions. Et donc voilà, merci pour votre attention. Bonne soirée à tous. On applaudit très fort. Donc pour les habitués des cafés des sciences, vous savez comment ça fonctionne. Pour ceux qui assistent pour la première fois, le public participe aussi en fait. Donc là est venu le fameux moment des questions-réponses. Et là, c'est le moment du premier volontaire qui veut se dévouer à Monsieur Olivier Marmette. Monsieur Olivier Marmette, vous montrez l'exemple. Bien. Question portée sur le Titanic. Cher Alizée Ricardo, j'avais une question qui va dans le sens où le principe du projet à 5 ans qui a constitué à définir des stratégies, puis a identifié deux plantes contre lesquelles il y aurait une lutte active. Je voulais peut-être un petit peu de précision sur la façon finalement de se débarrasser d'un acacia ou la façon de se débarrasser d'un laoubi. Parce que je n'ai pas finalement entendu l'action concrète ou les grandes lignes de comment finalement les spécialistes américains ont suggéré de procéder. Alors, pour le Niaoui, on fait des tests, donc je peux pas répondre. En gros, on n'a pas de technique aujourd'hui pour lutter contre le Niaoui. On ne sait pas encore comment faire, donc on teste. Et d'ici, je pense, un an et demi à peu près, on aura les éléments de réponse. Donc je pourrai répondre. Pour l'acacia, c'est en fait, il y a plein de techniques qui fonctionnent. Tout fonctionne en réalité. La coupe à ras, c'est la technique la plus simple. On coupe le tronc à ras, vraiment à ras, et on laisse sur place. Après, la difficulté, c'est la gestion de la banque de graines, c'est ce que je disais. Donc en fait, après, il faut un passage régulier pour arracher les jeunes plantules. Il y a juste ça à faire. En fait, par exemple, à Sinamari, on a mis sur la maison de la nature, ça a été un site test. On a mis à peu près 2-3 jours de coupe à la tronçonneuse des arbres adultes sur l'ensemble du territoire de la Maison de la Nature. Et maintenant, ils sont à 4 personnes sur une journée par an pour juste arracher les plantules et gérer la banque de graines avec les jeunes pousses qui poussent. Voilà. Comment ? 4 personnes un jour par an. Je connais pas la taille exacte de. C'est un hectare ou c'est... Ah non, beaucoup plus. C'est tout, oui, c'est tout le territoire du conservatoire, là. Toute la parcelle du conservatoire. Parce que une fois le processus le plus efficace identifié, le mettre à grande échelle sur la surface des savanes, c'est ça paraît des dimensions importantes, donc des coûts. J'imagine énorme. Ben, c'est pour ça que c'est là où il y a la stratégie. En gros, la stratégie va permettre de définir les zones où on va pouvoir intervenir, qui sont en fait les zones qui sont les moins envahies, pour éviter que l'invasion se poursuive. Mais après, il y a des zones qui sont tellement envahies sur des superficies tellement grandes qu'en fait, en gros, il faudrait beaucoup, beaucoup d'argent pour pouvoir intervenir. Et aujourd'hui, c'est pas possible. Donc ça va être des zones qui sont en gros sacrifiées et où il va falloir juste contenir, éviter que ces zones se déploient davantage. Et le volet qui me... Je l'ai arrêté après, mais le fait d'avoir associé à la réflexion des personnes qui ont une activité agricole sur de grandes surfaces, des personnes qui sont attachées à cette terre par l'action de sciences humaines, permet-elle d'envisager de les impliquer dans la remédiation après pour... qu'ils en deviennent les acteurs, parce qu'ils sont déjà là, déjà actifs tous les jours au champ, ou je ne sais. Est-ce que c'est un axe de, une fois les méthodes identifiées comme les plus pertinentes, la transmission aux acteurs du territoire fait-elle partie des objectifs pour les mettre en œuvre? Oui, tout à fait. En fait, on va pouvoir intervenir sur des zones, mais toutes les zones privées, ça va impliquer que les gens s'approprient la thématique. Après, typiquement, les agriculteurs, c'est un bon exemple, c'est des gens qui voient un intérêt à avoir de l'acacia mangium chez eux, parce qu'en fait, ils n'ont pas cette problématique d'invasion, parce qu'en fait, les jeunes pousses sont broutées par les bovins. Donc du coup, eux, ils n'ont pas d'invasion, ils ont un acacia, mais ils n'ont pas d'invasion. Donc ils ne voient pas forcément la problématique. Mais maintenant, petit à petit, en fait, en échangeant, hein, parce que c'est un travail de longue haleine et d'échange, ils commencent à être de plus en plus ouverts à l'idée de l'enlever si on leur propose quelque chose en échange, d'où le volet sur les espèces locales de remplacement aux usages. Y a-t-il quel autre traditionnel hôte des cafés des sciences, Olivier, et défoncer la glace. Ah, maintenant c'est bon, là les langues vont se délier. Tu as fait tout le travail, Olivier. Question, c'était par rapport à pour Alizé, c'était par rapport aux différentes typologies. Vous avez bien dit qu'il y a des savanes, il n'y a pas une seule savane. Il y a encore du, j'ai bien compris qu'il y a encore pas mal de travail pour bien définir les différentes typologies. Est-ce que dans tout ce travail de recherche, il y a une attention portée à la nature des sols et du sous-sol, dans le sens où est-ce que la géologie et la pédologie est quand même bien présente là-dedans? Et si oui, est-ce qu'il y a déjà des similitudes qui ont pu être faites sur certaines savanes qui sont peut-être plus des pris-pris, d'autres plus des roches de socle ou non? Oui, donc oui, tout à fait. Il y a eu un premier travail sur le Life Cap Dome où on a prélevé aussi des échantillons de sol et où du coup il y a eu un lien qui a été fait entre la flore et le type de sol associé. Maintenant, le botaniste qui a commencé à travailler sur la typologie, là, qui a commencé à décliner au maximum les types de savanes. Il est rentré vraiment dans le détail et en fait on commence à se dire que c'est pas hyper pertinent pour de la gestion. Et ce qu'on n'a pas étudié et qui vaudrait le coup en fait d'être étudié et qui en fait nous est apparu un peu à la fin du projet, c'était que peut-être que c'est les battements en fait de la nappe phréatique qui vont vraiment avoir un impact sur les différents types de milieux. Et ça par contre ça manque. Alors, bonsoir, c'est une question pour vous deux. Je voudrais savoir on a remarqué des utilisations du niaouli par les grandes communautés depuis son introduction. Et savoir aussi, une année comme cette année où la pluie est revenue assez vite, moi j'ai vu aucun feu dans les savanes. Est-ce que vous pensez mettre des feux en place ou est-ce qu'on garde comme ça? Alors le niaouli est utilisé en particulier comme plante médicinale par les Dukas de l'ouest de la Guyane. Alors il y a un passage là-dessus dans la thèse récente de Marc-Alexandre Tarot sur les phytothérapies métissées du littoral, publicité au passage. Il fait une conférence ce soir à la fac, donc vous ne pouvez pas être à la fois à la fac et ici, mais vous êtes à sa prochaine conférence. Et dans sa thèse, il parle en particulier d'un moment du niaouli comme un exemple tout à fait particulier du fait que les communautés locales adoptent souvent très rapidement des espèces nouvelles. Et là, en l'occurrence, elle est surnommée la femme d'Albina. Enfin, le niaouli est surnommé la femme d'Albina, sert à l'hygiène féminine, et les Dukas d'Ouest considèrent que c'est une bénédiction. Donc il va y avoir un gros travail pédagogique à faire. Si vous voulez leur couper les niaoulis près de leur village, je crois qu'ils vont très très mal le prendre. Voilà. Après, sur l'autre question, je vais plutôt laisser Alice. Oui, sur le niaouli, mais du coup, on compte sur Marianne. sur la partie brûlis, si il y a eu des brûlis, hein, il y a eu des feux de savane cette année qui ont eu lieu. Il y en a oui, beaucoup moins que d'habitude, mais il y en a quand même eu quelques-uns. Et après, nous, notre action ne va pas mettre des feux dans les savanes. Le GEPOC n'intervient pas sur ça. Nous, vraiment, l'intérêt qu'on y voyait, c'était un peu de comprendre l'impact s'il y en avait un, et du coup peut-être aussi évoluer dans notre posture sur cette pratique, est-ce qu'elle était vraiment problématique ou pas. Voilà. Mais on n'a pas vocation à faire du feu dans les savanes. Comment les savanes brûlent ? Et ensuite, en quoi le fait de les faire brûler ou que ce soit spontané, je ne sais pas, en quoi ça les régénère ? Ok, alors, comment elles brûlent ? Donc en effet, il y a une bonne partie de ces feux qui est d'origine humaine, et comme le faisait remarquer l'autre spectateur, il faut attendre que ce soit bien sec. Donc quand c'est une saison un peu mitigée comme en ce moment, c'est plus difficile de mettre le feu. Donc évidemment, mettre le feu, ça demande une certaine expérience et pratique. Il ne faut pas faire ça n'importe comment, il faut vérifier le vent, etc. Et ces savanes qui étaient brûlées régulièrement, il n'y avait pas trop de choses à brûler dessus. Donc le feu passe assez vite. Mais si vous arrivez à mettre le feu sur une savane qui n'a pas brûlé depuis très longtemps, vous allez avoir une autre sorte de feu beaucoup plus fort, qui va durer beaucoup plus longtemps, qui va être beaucoup plus dangereux et qui va peut-être nécessiter l'intervention des pompiers. Donc c'est aussi le problème si vous vous remettez à brûler une savane qui est plus brûlée régulièrement. Alors l'autre question, moi je ne suis pas du tout une très grande spécialiste des sols, de la chimie et autres, je suis vraiment sciences sociales, mais quand même, si vous regardez les brûlis qui sont les plus connus en Guyane, c'est celui de la bâtie en forêt. Et donc le brûlis dans la bâtie en forêt, il permet de provoquer une fertilité temporaire hein, qui va durer 2 à 3 ans, la bâtie va être utilisée pendant 2 à 3 ans, et ensuite on va laisser la forêt repousser, on pourra le réutiliser une deuxième fois, disons 7 à 10 ans plus tard, et ensuite on laisse la grande forêt reprendre ses droits. Mais il y a quand même l'idée que ce charbon va créer une fertilisation temporaire, entre guillemets. Alors évidemment, il y a des débats dessus, c'est-à-dire que depuis que je m'intéresse à ce brûlis, moi j'ai entendu des gens dire « oui, mais le brûlis de savane, ça va, la première année, ça va peut-être faire un petit peu de richesse avec le charbon, mais après ça va s'appauvrir et s'appauvrir de plus en plus, et etc. » Maintenant, bon, je ne suis pas une spécialiste, mais ce que je peux quand même vous dire, c'est qu'il y a des savanes qui étaient brûlées chaque année depuis, pour le coup, des centaines d'années, puisqu'on sait, du coup, par les traces archéologiques, que les brûlis ont commencé dès le XVIe siècle. Et du coup, il y avait une faune et une flore assez stables, hein, qui étaient quelque part adaptées à ces brûlis. Je vais laisser peut-être Alice compléter. Voilà, je n'en sais pas plus. Peut-être qu'il y a des gens qui peuvent nous en dire plus. Monsieur Otaquet, deuxième question, ça fait plaisir. Et j'aurais voulu savoir au niveau des pins caraïbes, on n'en a pas parlé, je sais qu'ils sont naturalisés en Guyane, mais comme on a pu le voir, ils peuvent être naturalisés aujourd'hui et être envahissants dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans. Et il y en a de Camopie à Saint-Laurent. Donc est-ce qu'il y a quelque chose qui est prévu là-dessus ? Non, pour le moment, pas du tout, parce que le caractère envahissant, il n'est pas défini. Et en fait, on ne peut pas prévoir, c'est impossible de prévoir quand une espèce va potentiellement devenir envahissante. Ça se trouve, ils ne le seront jamais, comme ça se trouve, ils peuvent l'être à un moment donné. Et ça, C'est une espèce qu'on a introduite, donc on pourrait tout de suite aujourd'hui se dire essayer de diminuer cette population avant qu'elle pose problème. Ouais, alors si je puis me permettre, si on commence comme ça, toutes les espèces introduites en Guyane, ça va être de la folie, il faut couper le manguier du jardin. Non, je parle d'introduction massive par les centres internationaux de recherche et de développement qui sont faits pendant le plan vert, et je ne parle que de 3 espèces. La cassane mangium, le diaoli, le pain caraïbe. Oui, en effet, c'est une conséquence du plan vert. Et là, ça illustre aussi ce qu'on disait tout à l'heure sur les grands projets visant ces espaces qui n'ont jamais fonctionné, quoi. Voilà, mais c'est vrai qu'on ne les voit pas trop bouger, c'est pas carré pour le moment, donc pour l'instant, ils ne constituent pas un problème identifié. Quoi. Ça fait plaisir, le public au taquet, il y en a qui enchaînent deux coups. Ah bah oui, honneur aux dames. Merci beaucoup pour vos présentations, pour les très grandes qualités. J'aurais juste une question sur les... Vous avez parlé des savanes qui se referment. Comment on constate qu'elles se referment? Qu'est-ce qui permet de dire qu'elles se referment? Oh ben, photo aérienne. Visuel aussi, c'est-à-dire que bah, par exemple la savane de la Maison de la Nature à Sinnamary, avant qu'ils commencent à pratiquer les thèses de Pruly, bah, on voyait d'année en année la végétation gagner du terrain. Et oui, non, c'est un constat, ça a été notamment constaté sur les savanes du Centre Spatial Guyanais, où ils surveillent quand même bien leur espace, quoi. Et si vous êtes curieux de voir ça, vous pouvez toujours aller sur la maison, enfin sur le sentier de Lili. Au tout début, vous avez les placelles test. Ils continuent en fait à brûler chaque année. Donc, ils continuent le protocole même depuis l'arrêt du projet en 2015. Et en fait, la parcelle qui n'a jamais brûlé, bah, c'est une forêt aujourd'hui. C'est quasiment une forêt. On le voit visuellement, c'est assez impressionnant. Moi, je me posais la question, c'était par rapport à Sinnamary et aux fameuses ZUC, aux zones de droit d'usage, qui sont assez récentes par rapport à ce que j'ai cru comprendre. Et par rapport à ce que tu expliquais, Marianne, avec le fait que les habitants, autrefois, avaient quand même l'habitude de se déplacer par rapport aux évolutions naturelles de leur milieu. Le SDUC, ok, c'est pas des barrières, mais on sait très bien que c'est quelque chose de figé, c'est quand même quelque chose qui est limité sur une carte. Est-ce que le SDUC répond vraiment à l'attente des personnes et aux usagers par rapport à leurs besoins, par rapport à leur évolution et... Oui, je reprends la question. Alors, j'ai envie de répondre. Je pense que de toute... Enfin, alors, déjà, ces usages de déplacement, ils ne fonctionnent plus aujourd'hui comme ils fonctionnaient autrefois. Il y a eu ce qu'on a appelé la sédentarisation des populations qui a été fortement poussée par l'administration, notamment pour les populations amérindiennes. Cette sédentarisation, elle s'est faite de plusieurs manières. Il y a eu le fait qu'on a mis les enfants dans des homes pour les scolariser. Et évidemment, quand on a son enfant dans le home à Sinnamary ou à Irakoumbo, on ne va pas partir habiter très loin dans la forêt parce qu'on a envie de pouvoir le voir régulièrement. Donc ça a contribué à fixer les villages sur le littoral. Et puis il y a eu une politique à l'époque de l'administration pour aider ces villages à se fixer. On leur a notamment donné des équipements type platine à manioc, moulin, etc. pour qu'ils restent sur place. Donc on a les pratiques de mobilité qui étaient celles d'autrefois sont plus tout à fait les mêmes aujourd'hui. Hein, même si on se rend compte, par exemple, il y a eu des études menées sur le haut Oyapok autour de Camopi, on se rend compte qu'il y a des nouvelles pratiques de mobilité, mais c'est fait différemment, parce qu'il y a la question de la scolarité des enfants. Donc hors période scolaire, on va quand même partir sur des abattis ailleurs, ou bien aller y habiter temporairement, etc. Mais on va devoir se débrouiller avec cette question des villages, des écoles, des services publics, etc. Donc déjà, il y a cette réponse-là, qui est de dire la situation des populations d'aujourd'hui n'est pas exactement celle d'il y a ne serait-ce que 50 ans. Et donc, bah, ces zones de droit d'usage, elles sont autour de villages qui sont aujourd'hui des villages fixes. Et ensuite, la deuxième réponse, c'est de dire c'est quand même mieux que rien. C'est-à-dire que bah, la revendication quelque part de ces populations, c'est de dire on était là avant tout le monde, donc on aurait des droits quelque part sur tout le territoire. Et la réponse, c'est de dire bon, peut-être pas sur tout le territoire, mais on vous donne une partie sur laquelle quelque part on garantit qu'il n'y aura pas d'autre projet qui va... voilà. Alors on sait que c'est des garanties limitées. En effet, ça concerne une partie de territoire. Voilà. Mais là, en l'occurrence, pour les Kalinias, donc là en l'occurrence, c'est sur les Rakoubo, hein, de Bellevue, et d'Organabo, c'est beaucoup mieux d'avoir ces hectares qui sont garantis que de ne rien avoir du tout. Donc, voilà. On va prendre encore une question. Ah, d'accord. On va attendre si quelqu'un fasse un 3 hit combo, hit box. Bonsoir. Donc, une première question, c'est de savoir pourquoi le GIPO, dont l'objet est a priori la protection des oiseaux, est allé faire des recherches sur la savane. Et une deuxième question, je commence sur pourquoi le J-POP. Alors, pour vous faire un peu l'historique, donc le J-POP, c'est bien sûr, comme son nom l'indique, groupe d'études et de protection des oiseaux en Guyane, mais aujourd'hui pas que, parce qu'on a un important volet biodiversité marine. Donc le J-POP a beaucoup évolué dans ses cibles de conservation. Alors pourquoi les savanes? C'est très simple, c'est parce qu'à la base, dans les savanes, il y a un petit oiseau qui s'appelle le tyrannobarbu. Un tout petit oiseau comme ça, qui est inféodé aux savanes de Guyane, qui est en Guyane en danger critique d'extinction, qui est au niveau mondial en danger, pas critique d'extinction, mais en danger quand même. Donc c'est une espèce qu'on connaît très peu, on ne sait pas trop où elle est. Actuellement, le J-POP mène une étude sur la répartition du tyrannobarbu sur les savanes de Guyane en parallèle de l'étude sur les vivums. Et en fait, on s'est rendu compte que le problème qu'on a, qui est quand même assez problématique pour les environnementalistes guyanais, c'est qu'en fait, nos espèces... comme ce sont des espèces qui ne sont pas forcément endémiques de la Guyane, c'est souvent endémique du plateau des Guyanes, et bien en fait, au niveau national, ce n'est pas des espèces qui sont considérées comme étant en danger, etc. Et en fait, on a beaucoup de mal à avoir des subventions pour travailler sur nos espèces locales. Et alors, on s'est dit que pour pouvoir en fait protéger le tyrannobarbu, et ben, il fallait protéger son habitat. Donc en fait, on est rentré par l'entrée habitat avec à la base un objectif de conservation de cet oiseau, et puis finalement cet objectif a beaucoup évolué. Et de la même façon, on est rentré sur les espèces exotiques envahissantes parce que au niveau mondial, on peut travailler et avoir donc des financements conséquents pour mettre en œuvre des actions sur du long terme en travaillant sur les espèces exotiques envahissantes. Alors que si on dit à l'Europe, on veut travailler sur les savanes de Guyane, il n'y a rien qui sort. Donc en fait, on a joué, on a contourné pour pouvoir atteindre notre objectif de conservation en prenant des entrées un peu différentes. Voilà. Et donc sur la question de l'origine des savanes, non, elle n'est pas tranchée. C'est-à-dire qu'en effet, c'est des sols spécifiques et qui sont quand même plutôt des sols pauvres où il y a d'autres choses qui ne vont pas pousser. Donc on voit bien qu'il y a des savanes qui se maintiennent toutes seules, entre guillemets. Donc il y a des savanes qui ne sont pas d'origine anthropique. Et en même temps, on voit bien que l'homme il n'y aurait pas cet énorme banc de savanes le long de la route, à l'endroit qui a été le plus occupé, là où il y avait les buttes amérindiennes, etc. Donc on voit bien que l'homme a eu une influence sur peut-être l'extension de ces milieux en Guyane, et que en effet, quand on ne brûle plus et qu'on ne fait plus certains usages, ça se referme. Donc moi, j'ai envie de dire un peu les deux. Hein, voilà, il n'y a pas de réponse définitive à votre question. Il y a un autre paradoxe. Enfin, on pense que, comme l'a dit le film, je ne sais pas si vous avez vu, on pense qu'il y a eu un moment donné en fait dans l'histoire géologique où il faisait très sec en Guyane, et donc on avait en fait une bonne partie du territoire qui était des savanes. Voilà. Et c'est un peu, on va dire, une hypothèse sur l'apparition des savanes, et après l'intervention de l'homme a plutôt eu une vocation de maintien dans le temps. Voilà, donc il y a un mélange des deux en fait. Mais bon, c'est pas hyper clair non plus. Merci, on applaudit très fort nos intervenants, Alizé et Marianne. Merci beaucoup pour cette intervention. D'ailleurs, Alizé organisait à l'occasion de la fête de la science une sortie pour découvrir la savane de Guyane. Bon, c'est dommage, le public n'a pas répondu présent. J'espère que pour une prochaine sortie, le public se manifestera avec plus d'enfant. Tout comme le public était prêt à réagir, enchaîner deux, trois questions. Bon, dommage, je n'ai pas eu le triplé ce soir de questions. On espère que pour les prochains cafés de science, ça viendra. Pour ceux qui connaissent les cafés des sciences, c'est aussi l'occasion pour notre association, la Canopée des sciences, d'annoncer les prochains événements. Donc bien sûr, on pourrait retrouver cette intervention au podcast sur notre site dans les prochains jours. Donc rendez-vous sur www.ccciuniversite.fr. Je voudrais aussi faire un peu de promotion de nos activités. Dans la mesure où on a ouvert il y a 2 semaines, plus précisément, c'est inauguré le 13 novembre, un local. Alors, la canopée des sciences, d'habitude, on fait de l'itinérance, on va à la rencontre des gens. Là, on a ouvert un local où le public peut venir à notre rencontre. Donc ça se trouve à 2 pas d'ici, à la cité Médan, derrière les tours qui sont enveloppées en train de désamianter. Pour faire ça, quand vous quittez l'Xbox, prenez à droite, au rond-point du McDo, vous allez vers le centre-ville et vous suivez la pancarte Biaclic, qui est une pancarte Biaclic Totem. Donc c'est un lieu qui s'appelle le Totem. Donc d'ailleurs, on va vous distribuer des flyers, on espère vous accueillir très nombreux. Alors bien sûr, au préalable de toute visite, pensez à réserver, toutes les informations sont sur notre site. Pierre, vous le connaissez, vous le croisez tout le temps. Et Pierre, vous allez le voir demain au marché de Cayenne. Tous les vendredis, nous demandons un stand. Venez au marché, ça va être super sympa. On va parler d'archéologie, venez. Alors justement, on parle d'archéologie demain parce que justement, le 5 décembre, nous organisons la matinée de communication des journées d'archéologie en Guyane. Donc ça va se dérouler à la Maison des Cultures et des Mémoires de Guyane, à Rivière-Montjoly, entre Guyane Première, La Poste et la mairie de Rivière-Montjoly. Prochain rendez-vous, le Café des Sciences, ça va se dérouler le 15 décembre. Donc ça sera l'intervention de M. Armand Hider. Alors, je fais un peu plusieurs transitions, je m'éparpille certes. Dans notre local, il y a une exposition sur Petit Sceau où on raconte un peu l'histoire de Petit Sceau, l'histoire du site, comment ça a été façonné, les hommes et les femmes, bien sûr, derrière le site. Cette exposition a été parrainée par M. Armand Hider et il fera une intervention donc, le 15 décembre. Rendez-vous donc le 15 décembre, toujours ici au Xbox à 18h en France. On espère vous voir nombreux. Et je voulais quand même laisser un petit mot et remercier aussi Steve et Dimitri Beatbox pour nous avoir accordé la confiance pour réaliser ce Café des Sciences, donc toujours dans un cadre convivial. Je ne sais pas, Steve, si tu veux faire un petit mot. Juste pour vous remercier, c'est vrai que l'endroit au premier abord peut sembler un peu incongru, mais c'est notre rôle de rendre accessible la musique, les sciences, de faire en sorte que les gens se rapprochent, on apprenne plus, notamment sur notre beau pays qu'est la Guyane. Donc au contraire, la canopée des sciences est la bienvenue et c'est toujours un plaisir de nous voir et de te recevoir. Merci. Alors bien sûr, comme vous voyez, comme à l'époque du confinement où tout le monde a appris un peu à faire un peu plus de choses. Donc, par exemple, il y en a qui ont appris à faire des gâteaux, il n'y avait plus de farine dans les supermarchés. Mais au Xbox, en plus des concerts, ben maintenant, on fait des cafés des sciences. Donc voilà, on espère vous revoir très nombreux prochainement et bonne soirée et à bientôt. Merci.